إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، nous sommes toujours avec les questions-réponses sur le منهج، et nous sommes dans le chapitre intitulé « La compréhension du comportement à avoir avec les gens de la sunna et les gens du faux ». Nous sommes à la 17e question. السؤال السابع عشر. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الواجب على عوام السلفيين في دعاة اختلف العلماء في تعديلهم وتجريحهم سواء علموا أخطاءهم أم لم يعلموها؟ La 17e question est posée ainsi. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous comble, Cheikh. C'est quoi l'obligation du commun des salafis concernant certains prêcheurs sur lesquels il y a une divergence entre les hommes de science? Il y a certains qui les jrah et d'autres qui font leur éloge. Que ils aient connu, c'est-à-dire l'awam, ils aient connu leurs erreurs, là qu'ils sachent pas, qu'ils ne connaissent pas leurs erreurs. Yaqul, أقول لمعشر السلفيين والسلفيات: من بلغتهم مشافهة هذه المحادثة مني ومن تبلغهم عبر من صاغوا الأسئلة وألقوها علينا. أقول il dit: je dis à l'ensemble des salafis et des sœurs salafis, ceux qui vont recevoir ce message directement ou alors ceux qui vont le recevoir par l'intermédiaire de ceux qui ont posé les questions. Je dis: أنصحكم إن كنتم تحبون الناصحين ألا تقبلوا شريطا ولا كتابا إلا ممن عرفتم أنه على السنة مشهود له بذلك واشتهر بها ولم يظهر منه خلاف ذلك، وهذه قاعدة مرتضة في حياته وبعد موته، فمن مات وهو في من نحسبه على السنة فهو عندنا عليها، ونسأل الله أن يثبته عليها في الآخرة كما ثبته عليها حيا آمين. هذا أولا. Il dit: je vous conseille, si vous aimez ceux qui conseillent, ceux qui prodiguent les conseils, que vous ne devez pas accepter un audio ou un livre que de ceux que vous connaissez qui sont réputés pour la sunna et qui sont connus pour la sunna, et jamais ils ont fait apparaître quelque chose où il est apparu sur eux quelque chose qui ont divergence avec la sunna. Il dit: c'est une règle, c'est-à-dire que la sunna dans la vie de cet homme a été durant toute sa vie et après sa mort, c'est-à-dire que c'est une règle dans sa vie, il ne marche qu'avec la sunna durant sa vie et après sa mort. Il dit: parmi ceux qui sont morts et que nous comptons parmi les gens de la sunna, ils seront ainsi même après leur mort. Ils ne demandent à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les raffermisse dans le delà sur la sunna comme ils y étaient raffermis dans ce bas monde sur la sunna. Amin. Ça premièrement. يقول ثانيا: إذا خفي عليكم أمر إنسان اشتهرت كتبه وأشرطته وداع صيته ودع صيته فاسألوا عنه ذوي الخبرة به والعارفين بحاله، فإن السنة لا تخفى ولا يخفى أهلها، فالرجل تزكي أعماله التي هي على السنة وتشهد عليه بذلك ويذكره الناس بها حيا وميتا. Il dit deuxièmement: quand Vous ne connaissez pas la situation d'un homme dont les livres ont été réputés, les cassettes ont été propagées et on entend parler de lui, etc. Demandez aux gens d'expérience, demandez aux gens qui connaissent sa situation, car la sunna ne peut pas disparaître. Et les gens de la sunna ne pourront pas disparaître. Et l'homme, il est élogé par ses actes, il est élogé par la sunna. Et la sunna lui atteste, ainsi que ses œuvres de la sunna lui attestent. Et les gens vont l'évoquer, vivant ou mort, avec la sunna, s'il est dessus. يقول وما تستر أحد بالسنة وغرر الناس به حتى التفوا حوله وارتبطوا به وأصبحوا يعولون عليه ويقبلون كل ما يصدر عنه إلا فضحه الله سبحانه وتعالى وهتك ستره وكشف للخاصة والعامة ما كان يخفي وما كان يكن من الغش والتلبيس والمكر والمخادعة يهيئ الله رجالا فضلاء فطناء حكماء أقوياء جهابدة ذوي علم وكياسة وفقه في الدين يكشف الله بهم ستر ذلك اللعاب الملبس الغشاش il dit il y a pas quelqu'un qui s'est caché derrière la sunna et qui a attiré les gens vers lui. Et une fois que les gens se sont liés à lui, se sont attachés à lui, et acceptent de lui tout ce qu'il dit, et il les oriente, il les accepte de lui, il a dit, tout un homme qui joue ainsi, et qui se cache derrière la sunna, Allah subhanahu wa ta'ala le divulgue, Allah subhanahu wa ta'ala le dévoile, au privé et au commun. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il cachait, comme trahison, comme déguisement, comme ruse, Allah subhanahu wa ta'ala prépare des hommes, des nobles hommes, des doués, des sages, des hommes qui sont très forts, qui ont la science, et qui sont doués de raison, et qui ont la jurisprudence de la religion, pour le dévoiler, et dévoiler son jeu, et dévoiler sa trahison. Yaqulu hafidhahu Allah. فعليكم إذا بين لكم حال ذلك الإنسان الذي قد داعى صيته وطبق الآفاق وأصبح مرموقا يشار إليه بالبنان أصبح عليكم واجبا الحذر منه ما دام أنه حذر منه أهل العلم والإيمان والذين هم على السنة فإنهم سيكشفون لكم بالدليل ولا مانع من استكشاف حال ذلك الإنسان الذي حذر منه عالم أو علماء بأدب وحسن أسلوب فإن ذلك العالم سيقول لك رأيت فيه كذا وكذا وفي الكتاب الفلاني كذا وفي الشريط الفلاني كذا وإذا هي أدلة واضحة تكشف لك ما كان يخفيه وأن ذلكم الذي طبق صيته الآفاق وأصبح حديثه مستساغا يخفي من البدع والمكر ما لا يظهره من السنة. Et il dit, Havidallahu ta'ala, et vous devez, quand on vous déclare et on vous éclaire sur la situation d'un homme qui est réputé et qui est devenu quelqu'un de réputé, qu'on pointe avec le doigt, etc., il est de votre devoir de faire attention à lui. Tant que les hommes de science ont averti contre lui, les hommes de science, de la foi et ceux qui sont sur la sunna ont dévoilé sa situation, et ceux qui l'ont dévoilé, ils vont les dévoiler avec les preuves. Il dit, il n'y a aucun doute de demander la situation de cet homme qui a reçu les avertissements, duquel on a été averti par les hommes de science, etc. De demander les preuves avec comportement et avec un bon style. Car l'homme de science, il va te dire, j'ai vu en lui ceci, j'ai vu dans tes livres cela, j'ai vu dans tel audio ceci, et ça... Et tout d'un coup, tu te retrouves avec beaucoup de preuves qui te dévoilent cet homme et qui te dévoilent ce que cachait cet homme qui est réputé maintenant et que tout le monde parle avec ses paroles, etc. et tout le monde transmet ses paroles. Alors qu'auparavant, il cachait les innovations, il cachait les ruses, il cachait des innovations plus que ce qu'il faisait montrer comme sunnah. يقول أمر ثالث وهو أن من علم الخطأ وبان له فلا يسوغ له أن يقلد عالما خفي عليه الأمر. Il dit, il y a un troisième point, c'est que celui qui connaît l'erreur et qu'il est clair pour lui, il n'est pas permis d'imiter un homme de science qui n'a pas reçu, que la situation il est cachée pour lui concernant cet homme. يقول وقد قدمت لكم أمس أن اجتهادات العلماء غير معصومة ولهذا لا يجوز أن تتخذ منهجا. Et il dit hier, c'est-à-dire dans l'ancien cours là, la dernière question, il dit, je vous ai annoncé que les efforts des hommes de science ne sont pas épargnés de l'erreur. C'est pour ça que les efforts des hommes de science ne doivent pas être pris comme une voie. يقول السؤال الثامن عشر جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم هذا سائل يسأل ويقول ما رأيكم في من يقول للشباب السلفي إنكم حصرتم المنهج في هؤلاء المشايخ ربيع عبيد نجمي فالح الحربي هذا عندما كان فالح الحربي على الجادة وكيف نعتذر للعلماء الذين لا يتكلمون في المنهج La 18e question c'est que Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense et que Allah subhanahu wa ta'ala vous couvre de sa sainte miséricorde. C'est une question qui dit c'est quoi votre opinion concernant celui qui dit aux jeunes salafis, vous avez arrêté le menhej et la voie dans ces hommes de science Rabi', Ubayd, Najmi, Falah al-Harbi, et ça c'est à l'époque où Falah était considéré comme homme de science et qui était considéré comme salafi, etc. Il dit comment on peut trouver des excuses aux hommes de science qui ne parlent pas sur la voie, sur le menhej. يقول أولا السلفية هي عقيدة ومنهج ولم يؤسسها أحد من البشر فلم يؤسس الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حين ناصره الإمام الأمير محمد بن سعود رحمه الله ولم يؤسسها قبله شيخ الإسلام بن تيمية ولا من بينه وبينهما من أهل العلم والإمامة في الدين بل ولم يؤسس أتباع التابعين بل ولم يؤسس أئمة التابعين بل ولم يؤسس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بل ولم يؤسس محمد صلى الله عليه وسلم فالسلفية هي الإسلام الخالص الخالي من شوب البدعة والشرك هذه هي السلفية عقيدة ومنهجا ومن جاء بعد النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام دعاة إصلاح و تبصير الناس بفقه هذه السلفية. Il dit حفظه الله تعالى. Premièrement, la salafia qui est une croyance et une voie, il n'a pas été fondé par un homme. Ce n'est ni Cheikh Mohamed Ibn Abdelwahab qui l'a fondé. Il a été aidé par le gouverneur, le prince Mohamed Ibn Saoud, rahimahullah. Et ce n'est pas non plus Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah qui l'a fondé. Et pas non plus les hommes de science qu'il y a entre eux, parmi les grands imams de la religion et de la science. Et ce n'est même pas les successeurs des tabi'in qui l'ont fondu. Et ce n'est même pas les imams des tabi'in qui l'ont fondu. Et ce n'est pas les compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi sallam qui ont fondé la salafia. Et ce n'est même pas Mohammed alayhi sallallahu alayhi sallam qui a fondé la salafia. Et il dit, hafidhahullah ta'ala, la salafia c'est l'islam pur, dépourvu, de toute forme d'innovation et d'associationnisme, nettoyé, purifié de toute forme d'innovation et d'associationnisme. Ça, c'est la salafia, ces croyances et cette voie pure. Yaqul, et ceux qui sont arrivés après les prophètes alayhi sallallahu alayhi sallam et après les messagers alayhi sallallahu alayhi sallam, des prêcheurs de la réforme qui éclairent les gens sur la compréhension du site salafia. C'est-à-dire, ces prêcheurs et ces revivificateurs ne font qu'éclairer les gens. Ils font apprendre aux gens, expliquer aux gens la salafia sur laquelle étaient les messagers alayhi sallatu salam, cette religion pure qu'avaient transmis les messagers alayhi sallatu salam. يقول فبالنسبة فالسلفية بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي فقه الكتاب والسنة على وفق فهم السلف الصالح. Il dit, il est salafia par rapport à la communauté de Mohammed alayhi sallallahu alayhi sallam, c'est la compréhension du livre d'Allah et de la sunna selon la voie et la compréhension des puiseurs d'Allah alayhim. يقول لأن السلفية وصف لكل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم متبعا أطره. Car la salafia c'est une description de tous ceux qui sont passés après le messager d'Allah, après le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et qui suivent sa voie. La salafia, c'est une description de ceux qui sont passés après le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui suivaient sa voie. يقول وهم أصحابه رضي الله عنهم وإمة التابعين ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة. Il dit, et ce sont les nobles compagnons de Mohammed عليه الصلاة والسلام, que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, et ce sont les imams des tabi'in, et ceux qui les ont suivis parmi les générations qui étaient élogées من الله عز وجل. يقول وأسمي من التابعين ومن بعدهم على سبيل المثال إلى الحصر عروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر والشعبي وعامر بن شرحيل وأبو العالية الرياحي وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وغيرهم il dit je cite parmi tabi'in et ceux qui les ont suivis comme exemple et non pas que ça c'est la liste c'est tout simplement des exemples il cite Urwa ibn Zubair Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr Sha'bi, Amir ibn Sharhbil Abu al-Ali al-Riyahi Sa'id ibn Jubair, Sa'id ibn Musayyab et d'autres يقول ومن بعد التابعين الأئمة الأربعة والليث بن سعد والحمادان والسفيانان وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو بكر محمد بن إسحاق المعروف بن خزيمة وشعبة بن الحجاج وأصحاب الكتب الستة وغيرهم ممن هو على الدرب ساروا il dit après التابعين يا les quatre grands imams avec eux يا الليث بن سعد يا الحمادين السفيانين يا أبو عبيد القاسم بن سلام يا أبو بكر بن محمد بن إسحاق qui est connu avec le nom ابن خزيمة et شعبة بن الحجاج et ceux qui ont écrit les six livres de la Sunna et d'autres qui étaient sur la même voie qu'eux يقول فإن هؤلاء هم أئمة السلف وأئمة السنة والجماعة والنظر في من جاء بعدهم فإن كان على مثل ما مضى عليه من سمينا وأمثالهم فهو سلفي عقيدة ومنهجا il dit الثلاث sont les imams des plus prédécesseurs ils sont les imams de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna il dit on regarde à ceux qui sont venus après eux s'ils sont sur la même voie de ceux qu'on vient de citer donc c'est un salafi au niveau de l'aqida au niveau du minhaj il dit وَمَنْ شَدَّ حُكِمَ عَلَيْهِ بِشُدُودِهِ وَأَنَّهُ غَيْرُ سَلَفِي et celui qui se marginalise on le juge selon sa marginalité il n'est pas considéré comme salafi يقول C'est-à-dire qu'il s'est marginalisé par rapport à ses grands imams, par rapport aux nobles compagnons, aux tabi'in, et après tabi'in, et les grands imams, etc. S'il se marginalise de leur voix, donc il n'est pas salafi. يقول حفظه الله ولهذا فإنه لا يجوز قصر السلفية عقيدة ومنهجا على رجال بعيان في مكان أو زمان ولكن هناك أمران Il dit, c'est pour ça, il n'est pas permis d'arrêter la salafia au niveau des croyances et au niveau de la voix sur certaines personnes, tout simplement dans un lieu ou dans un endroit, parce qu'il y a deux points à prendre en considération. L'amr al-awwal, i'lamu anna ashab al-ahwa, alladhina yastaduna fil ma'i al-akir, wa yas'auna jahidina ila fasl ulama'i al-haq, an awam al-muslimin wa khawasim, yalquna shubahan. ومنها أن فلاحا جرح فلاحا من الناس فلماذا سكت عنه فلان ولماذا واتقاه فلان ومنها ما بال فلان وفلان ردوا على جماعة أفراد وسكت عنهم الشيخ فلان والإمام فلان وهكذا هذا الأمر الأول et il dit premièrement ce qu'il faut savoir c'est que il faut savoir que les gens qui suivent leur passion et qui pêchent dans les eaux troubles ils font tous leurs efforts pour séparer les hommes de science de la vérité des communs des musulmans et des particuliers de cette communauté en jetant des ambiguïtés et en propageant au milieu d'eux des ambiguïtés et parmi ces ambiguïtés tel a fait le jarh de tel et pourquoi l'autre homme de science s'est tué et pourquoi l'autre il lui a fait ses éloges et ainsi de suite et fait partie aussi de cela pourquoi tel et tel font des répliques à tel groupe, à tel individu et pourquoi tel cheikh et tel imam s'est tué, il n'a rien dit et ainsi de suite ça c'est le premier point qu'il faut avoir, qu'il faut observer l'amour tani qaddamtu lakum al kalam alayhi lakin u'idu bi ikhtisar il a dit le deuxième point j'ai déjà parlé de ce point mais je vais le répéter avec un résumé il dit aqul man radda ala mukhti'in سواء كان هذا المخطئ مبتدعا او غير مبتدع ومن سكت عنه فان هذا ليس محل خلاف عند المحققين ابدا بل العبره بمن تكلم ورد لانه رد بدليل وتكلم بدليل وذاك اما لانه لم يظهر له الامر ولم يتجلى له او انه اكتفى بمن تكلم وحال عليه il dit حفظه الله تعالى je vous dis ceux qui ont répliqué à quelqu'un qui est tombé dans l'erreur que ce soit celui qui est tombé dans l'erreur est un innovateur ou autre. Et ceux qui se sont tus sur lui, concernant cette erreur, Ça, ce n'est pas un point de divergence chez les authentificateurs, jamais de la vie. Car ce qu'il faut prendre en considération, c'est ceux qui ont parlé avec preuve. Parce que ceux qui ont parlé, qui ont répliqué, ils ont répliqué avec preuve. Et celui qui n'a pas parlé, c'est parce que la situation n'a pas été claire pour lui, ou alors il s'y suffit de la parole de ceux qui ont parlé, ceux qui ont critiqué, qui ont rejeté l'erreur, et ils renvoient les gens vers eux. Ceci est très clair, hein? Et ceci nous éclaire comment nous devons être maintenant devant ces ambiguïtés que nous rencontrons à chaque coin de rue, et à chaque jour et à chaque instant. يقول السؤال التاسع عشر جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول نود التفصيل في مسألة امتحان الناس وهل هي على إطلاقها أم أن هناك ضابط معين في هذه المسألة. Et la 19e question, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Hein? Nous voulons, nous espérons et nous aimerions plutôt avoir un détail dans le fait d'éprouver les gens. Est-ce que le fait d'éprouver les gens, c'est dans le sens large du terme où il y a une règle bien précise à ce niveau-là? Yaqoul, antum ta'lamouna ma'na l'imtihan. فلا داعي للكلام عليه وإنما الجواب على هذا السؤال من وجهين. Il dit حفظه الله تعالى, vous connaissez ce que ça veut dire éprouver les gens. Donc il n'y a pas à parler de cette épreuve, mais il dit je réponds à cette question par deux aspects. Ici éprouver les gens, c'est-à-dire les éprouver avec un nombre de sciences. Par exemple maintenant on sait, tu veux savoir quelqu'un s'il est sur Jadda, pour l'éprouver, pour l'éprouver, tu vas l'éprouver comment? Par des imams de la réfutation. Comme qui? Cheikh Rabi, hafidhahullah ta'ala. Cheikh Muqbil, hafidhahullah ta'ala. Hein? Et aussi par Cheikh Ubaid, par Cheikh Mohamed bin Hadi al-Madkhali. Ceux qui ont fait de la réplique une de leurs spécialités. Hein? يقول حفظه الله c'est ça, il s'agit ici d'éprouver les gens pour savoir qui tu as en face de toi. Voilà ce que ça veut dire, hein, pour ceux qui n'ont pas capté le sens de la question. قول الوجه الاول هل ينهى عن امتحان الناس على اطلاقه وهل يطلق النهي عن امتحان الناس فيقال لا يمتحن احد او في ذلك تفصيل والجواب انه في ذلك تفصيل. دي premier aspect pour répondre à cette question. Est-ce qu'on interdit, au sens large du terme, le fait d'éprouver les gens? Ou alors, on autorise le fait d'éprouver les gens dans le sens large du terme? Ou alors, on n'éprouve personne? Ou alors, il y a un détail à faire dans tout ça? Cheikh, il dit la réponse, c'est qu'il y a un détail à suivre dans tout ça. يقول فمن استريب في أمره أو طلب منه شيء ولم يظهر عنده أهلية لما يطلب منه أو لا فإنه يمتحن وكذلك من أريد تزكيته وكان في معزل عن الناس فإنه كذلك يمتحن. Il dit, c'est quelqu'un maintenant, on ne connaît pas, on a des doutes sur sa situation. On lui a demandé quelque chose. Et on ne sait pas s'il est apte à faire cette chose ou s'il en est capable ou il a les capacités ou pas. Hada, il faut l'éprouver. Il dit, il en est de même pour quelqu'un à qui on veut faire l'éloge, on veut faire tazkiya. Il est loin des gens. Celui-là aussi doit être éprouvé. Doit passer son examen. يقول ولا يزال الناس على هذا بل هم مضطرون إلى قبوله فإن من أريد منه منصب فإن ولي الأمر يختبر هل عنده آلية لهذا المنصب أو لا ولا يزال الناس يتساءلون عن من وفد عليهم يتساءلون عنهم ويسألون الوافد من أين أتى وإن كان يظهر علما فعلى من درس من هم أشياخه. Il dit les gens étaient toujours sur cette situation là, ils le sont toujours. Parce qu'ils sont obligés d'agir ainsi et de l'accepter. Car celui qu'on veut utiliser dans un poste, ben le gouverneur, le responsable, doit lui passer un examen pour savoir s'il est capable d'accomplir cette fonction qu'on veut lui donner, lui attribuer premièrement, ou non. Et les gens ne cessent de poser des questions sur quelqu'un qui vient d'arriver chez eux. Pose des questions sur la personne, d'où il est venu, qui il est. Hein? Et si il se donne l'impression qu'il a de la science, hein, ou qu'il a étudié, etc., chez qui il a étudié, et ainsi de suite. C'est une situation qui est normale. يقول ومن الأدلة التي صحت بها السنة وهو فيما يظهر في من خفي أمره قصة معاوية بن الحكم رضي الله عنه كانت له جارية ترعى الغنم فعاد الذئب فاختطف شاة منها فلما جاء معاوية أخبرت جاريته الخبر فرطمها ثم جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر وظنه تأثر لما صنع ولامته نفسه فتغير النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من صنيعه مع جاريته فقال يا رسول الله إن علي رقبة فهل أعتقها قال جئني بها أنظر أمؤمنة أم لا فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة إيه fait partie des preuves qui sont authentiques dans la sunna de notre prophète alayhi salatu wasalam. Et il dit, dans l'apparence de cette preuve, c'est ce qui est caché. C'est une situation qui est cachée aux gens. C'est l'histoire. C'est la situation qui est cachée de quelqu'un. Qui va être divulguée ici dans cette histoire. C'est l'histoire de Muawiyah ibn al-Hakam, radiyallahu anhu arda. Il avait une servante qui était bergère pour lui. Et un jour, le loup a... Il partit avec une brebis. Quand Muawiyah, il est arrivé, Ibn al-Hakam, radiyallahu anhu arda, est arrivé, sa servante lui a annoncé la mauvaise nouvelle. Il lui a donné une gifle. Et après, il est venu voir le prophète, alayhi salatu wasalam, parce que, comme dit Cheikh ici, je crois que, il a eu des remords. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu ce qu'il a fait à sa servante. Il y a eu hein, quelque chose sur le visage du prophète alayhi salatu wasalam. Et à ce moment-là, Muawiyah ibn al-Hakam a dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, « Ya Rasoul Allah, je dois libérer un esclave, est-ce que je la libère ?» Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ramène-la-moi, que je vois si il est croyant ou pas. » Et il l'a ramené au prophète alayhi salatu wasalam. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a posé la question à cette servante, il lui a dit, « Où il est Allah ?» Et la servante lui a dit, au-dessus des cieux. Il lui a dit, qui je suis moi? La servante lui a dit, tu es le messager d'Allah. Il lui a dit, libère-la, c'est une croyante. يقول الشيخ حفظه الله وهذا امتحان واختبار لأن هذه ستكون حرة طليقة وستكون من الأحرار في الإسلام فلا بد من إقامة شاهد عليها من دينها ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. الشيخ بن نذير, ça c'est un examen, c'est une épreuve, parce que cette servante va être libre, il va être parmi les libres dans l'islam, et donc il est obligatoire qu'il y ait un témoignage de sa religion, d'accomplir un témoignage pour sa religion. C'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a posé cette question. يقول كما أن القصة تدل على أمر آخر وهو أن السلف رحمة الله عليهم بدءا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدءا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعنون بغرز العقيدة في الناشئة من أبنائهم وأهليهم ورعاتهم فهذه جارية علمت الحق في الله سبحانه وتعالى علمت من دين الله ما شهد لها به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها مؤمنة هذه حجة على من يهون من أمر العقيدة عقيدة التوحيد ويقلل من شأنها وعادة الناس يغفلون عن مثل هذه الجارية لأن رعية غنم ومع هذا ما أغفلها سيدها رضي الله عنه تبصرت منه في أمر العقيدة في أمر التوحيد الذي هو أصل الأصول. Il dit حفظه الله تعالى, si on retient dans cette histoire quelque chose de très important, c'est que les puiseurs de Allah عليهم commençons par les nobles compagnons de Muhammad عليه السلام s'occuper à ancrer une عقيدة dans les petits, parmi leurs enfants, parmi ceux de leur famille, parmi leurs bergers et leurs bergères. Ça, c'est une petite servante qui connaissait la vérité hein, d'Allah Azza wa Jal et qui sait hein, quelque chose de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala avec laquelle Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a attesté comme quoi il est croyante. Et ça, c'est une preuve contre ceux qui néglige la situation des dogmes et des croyances et du monothéisme. Et En général, cher de nous dire, les gens pour ce genre de servante, ils ne donnent pas d'importance parce que c'est une petite berbère. Et il dit malgré tout ça, que son maître, il ne l'a pas négligé. Malgré tout ça, cette servante a eu de la clairvoyance dans sa religion, dans le monothéisme, qui est la base des bases. يقول الأمر الثاني الذي عرفناه من سيرة أئمة السلف أنهم يمتحنون الناس بفضلائهم وعلمائهم. Et il dit, le deuxième point, le deuxième aspect, c'est que ce que nous avons connu de la biographie de nos plus imams, parmi nos plus élèves d'Allah, c'est qu'ils éprouvaient les gens avec les vertus, avec les vertueux et avec les hommes de science. يقول فإذا وفدت عليهم وافدة من قطر سألوهم عن علمائهم فإن اتنوا عليهم خيرا قربوهم وأحبوهم واستبانوا أنهم أهل السنة وإن اتنوا عليهم شرا أبعدوهم وأبغضوهم ونفروا منهم. Et quand il arrive des délégations ou des gens qui viennent dans notre pays, dans un autre pays, les hommes de science du pays, ils demandent à ces gens-là qui viennent d'arriver, d'ailleurs, hein, ils leur posent des questions sur leurs hommes de science qui sont sur la sunna. S'ils font l'éloge à ces hommes de science connus par leur sunna, ben, les hommes de science vont rapprocher cette délégation. Ils vont les aimer parce qu'il leur apparaît clairement que ce sont des gens de la sunna. Et si ils disent du mal de leurs hommes de science, ben, ils vont les éloigner et les détester et faire éloigner les gens d'eux. يقول وقديما قالوا امتحنوا أهل المدينة بمالك وامتحنوا أهل الشام بالأوزاعي وامتحنوا أهل مصر بالليث بن سعد وامتحنوا أهل الموصل بالمعافى بن عمران وهؤلاء الذين قرر الأئمة امتحان الناس بهم هم أئمة بالسنة والعلم والإيمان فصاحب السنة لا بد أن يحبهم ويجلهم ويظهر الثناء عليهم وصاحب البدعة لا بد أن يظهر الشناعة عليهم. Et avant, on disait, il faut éprouver les gens du Médine par l'imam Malik. Et éprouver les gens du Sham, du nord de l'Arabie, par l'imam Al-Awza'i. Et les gens d'Égypte, il faut les éprouver par Layth ibn Sa'd. Et les gens de Mosul, en Irak, il faut les éprouver par Mu'afa ibn Imran. Et ceux-là, ce sont des imams. Ceux-là avec lesquels, avant, on éprouvait les gens, ce sont des imams de la sunna, et de la foi, et de la science. Et donc, l'homme de la sunna, il est obligatoire qu'il doit les aimer, qu'il doit les respecter, qu'il doit montrer leurs éloges. Et l'homme de la bid'a, il va les détester, et il va parler mal d'eux. يقول وذكر بعض أئمة الدعوة لا يحضرون اسمه الآن أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لا يزال محنة للناس يعني يمتحن الناس بعضهم بعضا به وبهذا تعلمون أن المبتدع والضلال لا يمتحن الناس فيهم لأنهم ساقطون. Il nous dit, il a été cité par les imams de la da'wa, il dit, je n'ai pas à l'esprit son nom maintenant, que l'imam Ahmed, qu'il a dit que l'imam Ahmed est toujours une preuve pour les gens. On éprouve les gens avec l'imam Ahmed. Et il dit, c'est pour ça que vous savez que les innovateurs et les gens de l'égarement, on ne peut pas éprouver les gens par leur nom et par leur situation, etc. Parce qu'ils ne sont rien. Ils ne sont rien. Donc, on ne peut pas éprouver les gens avec Al-Qardawi ou autre, par exemple. Je cite comme exemple comme ça. Hein? Ou par, hein? On ne peut pas éprouver les gens avec Aboul Hassan ou avec Ali Hassan, etc. Mais à notre époque maintenant, on éprouve avec les gens de la Sunna. Et surtout, hein? Ceux que détestent les innovateurs, tel Cheikh Rabi Habdallah Ta'ala, tel Cheikh Mouqbil, tel Cheikh Ubayd, Cheikh Mohamed Ibn Hadi al-Madkhali et d'autres, et ceux qui sont dans la réplique. Parce que tu vas voir les Mubtadi'a, les Sururi, etc., vont te faire l'éloge de l'imam Al-Albani, rahimahullah. Ils vont te faire l'éloge de Cheikh Ibn Baz, ils vont te faire l'éloge de Cheikh Al-Fawzan, etc. Mais quand tu parles de Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala, Cheikh Ubayd, tu vois comment il change, comment le dialogue il change. Non, pas lui, il est dur, et ainsi de suite. Ça, c'est les preuves de notre époque, comme on dit certains nombres de sciences du Yémen. Hein? يقول فأهل العلم والفضل وحذاق أهل السنة ينفرون منهم وأما المنحرفون والمفاصلون لمنهج الحق فإنهم يكرعون فيهم ويشغفون بهم لأنهم تلامذتهم. Donc on ne peut pas éprouver les gens avec les innovateurs. Il dit, il faut savoir que les hommes de science, ils ont des vertus, et les gens de la sunna s'éloignent des innovateurs. Mais contrairement aux égarés, Et ceux qui sont marginaux à la voie salafie et qui sont loin de la voie de la vérité, ceux-là, ils les aiment. Ils aiment les gens de l'innovation, car ce sont leurs disciples, ce sont leurs élèves. C'est pour ça qu'ils les aiment. Ils les suivent. On arrête là, Inch'Allah. Wa subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum, jazakumullahu khairan.